La foule a commencé à se comprimer vers l'avant de la scène. Et cela a provoqué une certaine panique et a causé des blessures. Des gens ont commencé à tomber, à perdre connaissance, et cela a créé une panique supplémentaire. Blessé par-ci par-ça, prière pour que la foire reste. J'ai pas vesti la tête, pas de main, démon le plan à foirer. Ici on peine à rire, le soleil méprise sa place. À peine arrive et le salaire a pris sa claque. A priori si ça clique, c'est pas pour ma canne à choix live. Binoclaré chez petit type, quand je rappelle que j'ai des décalages en décalage, en fait tu m'adaptes. Hashtag malade dans les parages, j'étais pas là, pressé, pas la peine de m'appeler là, je suis pas là, car je me balade. Dans la voie lactée, blanc quand j'étais plein l'instru, j'envoie la tech. Je pose for my people, pas pour choquer l'auditeur. J'ai redans ce nouvel arc gris comme les seuls Scotty aux sneakers. Pas de m'espace, n'est-ce pas? Reste calme là, j'm'exclame, j'ai des flammes à chikra, gâche qui prend le mic, check ça. Dans la cabesse, c'est pas la fiesta, yeah. Yeah. J'ai guère envie de voir la pesta, yeah. Branche le chrome et les canons low cost. La rime est létale comme un pogo de Scott. Ici pas de flow low cost, ça job quand c'est pour le storm. J'pourrais jouer mais j'ferais des trop gros scores. Branche le chrome et les canons low cost. La rime est létale comme un pogo de Scott. Ici pas de flow low cost, ça job quand c'est pour le storm. J'pourrais jouer mais j'ferais des trop gros scores. Eux ils sont locaux pour des Loki et des locks. Toss les grammes, je bloque, top et prod à portée, j'opère rompé. Sombre époque, la monnaie obsède, on se décomme à voler l'eau et la conscience fait du rodé au check. Eux ils sont locaux pour des Loki et des locks. Toss les grammes, je bloque, top et prod à portée, j'opère rompé. Sombre époque, la monnaie obsède, on se décomme à voler l'eau et la conscience. J'sais qu'faut faire bouger les foules, mais j'm'en cache, j'aime la rime crack. T'es soir, toi, j'm'appelle, j'pète avant ma peine comme un smicard. T'es mes fécu bizarre, renfermé pire qu'un bival. Frappé comme eux, m'excite, panique, tes ambiances, t'as rien bizarre. Iblis à la main, mais surtout, j'sais même plus si l'autre existe. T'arrives plus toutes mes rêves, j'vous laisse tranquille pendant que j'm'exile. Péché paraît sexy, multirécidiviste. J'tente de la faire taire, mais la petite voix dans mon crâne persiste. Elle, ça me pousse à la faute quand j'croise mon reflet, j'l'affronte. Pareil que l'autre à la faux m'observe, stable dans le décor. Moi, dans ma tête, il tombe des cordes. Bienvenue dans la vraie life, là où smell grosse déprime et peine, mais bien caché sous Prozac. Ça rap, c'est pas les beaux-arts, pas là pour que les causes parlent. Freiné par ma flemme comme chômeur, tant taf qui paye mal. J'en ai trop fait des écarts, soupirs pour oublier. J'veux faire taire cet écho dans l'oreille gauche qui me crie prier. Check. Branche le chrome et les canons low cost. La rime est létale comme un pogo de Scott. Ici pas de feu low cost, ça job quand c'est pour le storm. J'pourrais jouer mais j'ferais des trop gros scores. Branche le chrome et les canons low cost. La rime est létale comme un pogo de Scott. Ici pas de feu low cost, ça job quand c'est pour le storm. J'pourrais jouer mais j'ferais des trop gros scores. Eux ils sont locaux pour des Loki et des Locks. Toss les grammes, je bloque, top et prod à portée, j'opère rompé. Sombre époque, la monnaie obsède, on se décomme à voler l'eau et la conscience fait du rodé au check. Eux ils sont locaux pour des Loki et des Locks. Toss les grammes, je bloque, top et prod à portée, j'opère rompé. Sombre époque, la monnaie obsède, on se décomme à voler l'eau et la conscience fait du rodé au check.